professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut. Il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Où situer la généalogie d'une décision, d'un événement, d'un courant ou d'une crise? Pourquoi revenir aux années 1880, à l'histoire des relations entre l'Europe, les mondes arabes, musulmans et ottomans? Quelle partie se jouait entre Constantinople, la Syrie et les puissances occidentales? Qui était le capitaine Torsi? Quelles étaient ses relations avec le sultan Abdulhamid II? Quel regard avait-il sur Midhat Pacha? Henri Laurence, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe, poursuit son cours pluriannuel consacré aux provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du XIXe siècle, avec l'idée d'interroger le temps long, les causes profondes comme on dit, et d'arriver à la crise de 1914. En ouverture de son cours l'an passé, et je vous renvoie à la belle diffusion de ce cours dans le cadre de l'éloge du savoir de Christine Goémé, Henri Laurence rappelait que l'Orient et l'Occident ne sont pas séparés, ils vivent en interaction. Et c'est bien cette interaction qui est au cœur de ses interrogations encore ce matin. Dans son prochain ouvrage intitulé « Les crises d'Orient » qui va paraître chez Fayard à la mi-février, Henri Laurence note en introduction qu'en 2016, on n'a jamais autant parlé d'un empire ottoman pourtant disparu il y a près d'un siècle. L'historien évoque, et je le cite, « la charge mémorielle que comprend cette question d'Orient ». Si pour les Occidentaux, cette dernière appartient à un temps passé, tout aussi exotique que celui de la colonisation, pour les États et les peuples concernés, elle reste vivante parce qu'elle a laissé d'innombrables traces alimentant meurtrissures, souffrances et ressentiments. La question d'Orient et son corollaire le grand jeu avec un grand G et un grand J, cette configuration spécifique des rapports internationaux dans une zone géographique déterminée, écrit encore Henri Laurence, demeure toujours présente aujourd'hui alors qu'elle a plus de 2 siècles d'existence. Et nous voici bien en face d'un jeu très vivant d'influence avec sa part de calcul et d'irrationnel qu'Henri Laurence nous présente au lendemain de la guerre de 1878 où l'on peut se demander qui craint qui et qui manipule qui. Aujourd'hui, l'historien présente 3 personnages, en particulier le capitaine français Torsi, perçu comme l'expert conseil numéro 1 sur la Syrie, Midhat Pacha, le gouverneur de Syrie à la réputation de réformateur ottoman énergique, mais sur lequel pèse le soupçon par les Français de vouloir établir à son profit une vice-royauté syrienne qui serait sous protection britannique. Quant à notre 3e personnage, le sultan Abdulhamid, celui-ci partage les mêmes soupçons que les Français, mais n'ose pas se débarrasser de Midhat Pacha du fait du soutien supposé des Anglais au nouveau gouverneur. Le sultan instrumentalise la rivalité anglo-française, tandis que Français et Anglais essaient de gagner leur part dans l'Empire ottoman. Les impérialismes s'affirment sur fond de pression russe. Les financiers britanniques, sans grand capital, rôdent eux autour des possibles concessions de chemin de fer en Syrie qui leur permettraient de s'enrichir vite et bien, tandis qu'émerge un premier nationalisme arabe. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 16 novembre 2016 pour le cours d'Henri Laurence, les provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du XIXe siècle, jeu d'influence en 1880. Vous savez, tout universitaire, tout chercheur est un peu victime de sa recherche au sens où on part dans une idée préconçue et ensuite on s'aperçoit en faisant la recherche elle-même que les choses ne sont pas exactement ce que vous vouliez faire et vous, donc vous dialoguez avec votre documentation, avec vos réflexions, etc. Donc, ce que j'avais prévu d'être quelque chose sur la Première Guerre mondiale au Moyen-Orient a pratiquement totalement changé de sens. Ne serait-ce que je me suis aperçu qu'un certain nombre de mes protagonistes de la Première Guerre mondiale étaient déjà des acteurs relativement importants au début des années 1880. Et qu'en général, on ne s'était pas intéressé de savoir ce qu'ils faisaient en 1880, alors qu'ils prennent les décisions fondamentales 30 et quelques années après. Donc ce cours s'est transformé. Bon, c'est toujours les provinces arabes de l'Empire ottoman pour simplifier les choses, mais je dirais que c'est plutôt une histoire des relations Europe, monde arabe et musulman, enfin ottoman en tout cas, à la fin du 19e siècle, avec ces circuits de personnes qui passent d'un côté à l'autre de la Méditerranée. La dernière fois, je vous avais laissé en plein suspense comme d'habitude, puisque l'histoire n'est qu'un immense feuilleton sans aucune conclusion, qui évoquait en particulier la Syrie au début, aux alentours de 1881, c'est-à-dire au lendemain de la constitution ottomane, de l'avènement au pouvoir du sultan Abdülhamid, et de la terrible guerre de 1877-1878, guerre qui avait eu un impact absolument considérable, aussi bien évidemment du point de vue politique, ne serait-ce que par le fait que la perte d'une partie des territoires balkaniques correspond évidemment à une augmentation de la proportion des musulmans dans l'Empire, puisque les territoires perdus sont chrétiens et que d'autre part, beaucoup de musulmans des Balkans ont été forcés de se réfugier dans le reste de l'Empire ottoman. Et ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel pour la compréhension de l'histoire de l'ensemble du Proche-Orient, c'est-à-dire de l'Anatolie et des provinces arabes de l'Empire ottoman, c'est l'importance de ce qu'on appelle les Mouagirs, les immigrés, les réfugiés, qui par centaines de milliers ont fui la progression russe dans les Balkans et dans le Caucase au XIXe siècle et qui repeuplent une des vastes zones relativement sous-peuplées de la Syrie et de l'Anatolie, à quoi il faut aussi ajouter d'autres Mouagirs, comme par exemple les Algériens qui fuient la domination française et qui arrivent aussi dans la même période en Syrie et en Palestine. C'est-à-dire que la composition humaine du Proche-Orient a été assez modifiée. On a encore des traces aujourd'hui, puisque dans des pays comme la Syrie ou la Jordanie, vous avez des populations d'origine caucasienne qui ont conservé une identité spécifique caucasienne. Vous avez des Tchétchènes, des Tcherkès, qui sont bien identifiés en tant que tels, et qui ont été installés dans la seconde moitié du XIXe siècle dans ces régions. Alors, sur le plan politique, l'Angleterre avait d'une part exigé et obtenu Chypre en 1878 pour servir de base arrière pour une éventuelle intervention militaire britannique si les Russes passaient la barrière balkanique et caucasienne, puisque nous sommes le long de cette route mythique que personne de sérieux n'a pris sauf quelques Arméniens, qu'on appelle la route terrestre de l'Inde. Mais en tout cas, l'Angleterre est là pour empêcher aux autres de se poser sur cette route de l'Inde. Je dirais, ça ne touche pas à l'Inde, hein, ou à mon Inde, qui serait le slogan de la politique britannique jusqu'à 1914. Et dans ce contexte, pour fortifier la barrière ottomane, l'Angleterre avait poussé à des réformes anatoliennes. C'était la politique du grand ambassadeur britannique à Constantinople, Sir Henry Layard, le grand archéologue. Enfin, dans les années 1840, Layard avait commencé sa vie politique, enfin, sa vie professionnelle comme archéologue. C'est lui qui avait découvert Ninive et qui a transporté au British Museum les immenses statues assyriennes qui y sont actuellement. Puis il était devenu un homme politique et il est maintenant ambassadeur. Et donc, il a ce projet de réformer l'Empire ottoman sur une aide britannique. Et évidemment, ceci est interprété, pas à tort d'ailleurs, par les autres puissances européennes, comme une volonté britannique de mettre sous tutelle l'Asie ottomane. Et donc, les autres ne sont pas très contents. Enfin, les Allemands s'en moquent pour l'instant, vous savez. C'est l'époque où Bismarck dit que ces affaires d'Orient ne valent pas les eaux d'un grenadier poméranien. L'Allemagne utilise la question moyenne-orientale dans les politiques compliquées que Bismarck mène en Europe. Mais la France, elle, s'inquiète. Parce que maintenant, nous allons y revenir dans le cours, c'est la fin de la période du recueillement. Puisqu'après la catastrophe de 1870-1871, la France se recueille. Elle se renferme sur elle-même, c'est l'ordre moral, c'est la reconstruction de l'armée française, etc. Mais à la fin des années 1870, c'est la fin du recueillement, c'est-à-dire que la France commence à se reposer comme un acteur majeur sur la scène européenne, donc internationale, puisque nous sommes au XIXe siècle. Et toujours dans ce contexte, je résume les épisodes précédents, vous savez, previously, comme dans les feuilletons américains, vous avez le fait que Abdul Hamid a désigné comme gouverneur de la province de Syrie le célèbre Midat Pacha, le chef du parti libéral ottoman, celui qui a obtenu la constitution ottomane de 1876. Et Midat Pacha apparaît à tort ou à raison, c'est toujours le même problème, nous en discuterons, comme aussi l'agent de la politique britannique dans la région. Et alors, nous en arrivons là, au début de 1881, quand la France, enfin, l'ambassade de France envoie d'avril à juin 1880 l'attaché militaire français à Constantinople, le capitaine de Torcy, faire un voyage d'exploration politique en Syrie. Donc vous avez là Torcy, un jeune officier, il est né en 1844, c'est un brillant officier, sorti 8e de l'Académie militaire impériale, blessé et décoré en 1870, et qui fait une carrière mi-coloniale, mi-continentale, puisque vous savez, assez souvent dans l'armée française de l'époque, on faisait soit une carrière coloniale, soit une carrière... Alors lui, Torcy, je le dis tout de suite, parce que ça permet de comprendre pourquoi aussi il est important, Torcy, après son retour en France comme attaché militaire au début des années 1880, il sera gouverneur, enfin, il commandera des unités militaires en Algérie, il participera à la conquête de Madagascar, et puis il reviendra aussi en France, il sera chef de cabinet du ministre de la Guerre, il fera une très belle carrière jusqu'en 1909, où il est mis comme cadre de réserve en tant que général de corps d'armée, mais il sera rappelé en 1914, et il commandera une région militaire de 14 à 16 dans la région de Nancy avant d'être retiré définitivement des cadres militaires vu son grand âge, et il décédera en janvier 1918. Donc c'est quelqu'un qui va devenir, à cause de sa mission, l'expert français numéro un sur la Syrie, et ses textes et son avis jusqu'en 1914 vont être régulièrement repris par la diplomatie française sur le Proche-Orient, d'où l'importance de cette mission du capitaine de Torcy. Torcy est un partisan affirmé de la reprise de l'expansion coloniale de la France, qu'il voit comme un objet politique, c'est-à-dire la France en tant que puissance et non pas comme un objectif économique. Vous savez, dans l'analyse de l'impérialisme, c'est la grande discussion, savoir si l'impérialisme est un projet de puissance ou un projet économique. Souvent, ceux qui sont partisans de la puissance invoquent des prétextes économiques, ce qui rend plus confus l'analyse. Alors, il a reçu des instructions de recueillir d'utiles renseignements politiques et militaires et faire acte de présence politique. Et donc, au début des décennies 1880, tout le monde a compris que l'essentiel des axes de pénétration, c'est le chemin de fer. Et il est aussi chargé d'étudier les possibilités de construire des chemins de fer dans l'intérieur syrien. Et en effet, à cette époque-là, on soupçonne, enfin, des groupes financiers britanniques sont en train de demander aussi des concessions de chemin de fer en Syrie. Et c'est toujours le même mécanisme au XIXe siècle. Vous avez des hommes d'affaires astucieux qui, avec peu de capitaux, obtiennent une concession. Une fois qu'ils ont une concession, ils créent une compagnie et ils lèvent des fonds à la bourse. C'est comme ça que les CEPs ça fait pour le canal de Suez. Donc, le premier objectif de ces hommes d'affaires, c'est d'obtenir la concession, parce qu'une fois que la concession est obtenue, à ce moment-là, on peut lever les fonds et créer la compagnie réellement. Donc, même si vous n'avez pas grand-chose au départ comme capital, vous pouvez lancer une grosse entreprise. Alors, la première chose dans le rapport de Torcy, qui date de la fin des printemps 1880, c'est la définition qu'il essaye de donner de la Syrie, puisque le terme est tout à fait vague à l'époque. Je cite. La Syrie qui appartient ethnographiquement et géographiquement à l'Arabie, dont elle forme la partie nord-ouest, est, quoique prétendent aujourd'hui certains hommes politiques anglais, une région parfaitement délimitée, bordée à l'ouest par la Méditerranée, au sud et au sud-est par le grand désert d'Arabie, et à l'est par le cours de l'Euphrate. Elle est limitée au nord par une chaîne de hauteurs nettement marquée qui partent du golfe d'Alexandrette, forme ligne de partage des eaux entre le bassin du Jeoum Tiram, qui appartient à l'Azéminé, et les vallées du Keuk et du Sedjour, qui font partie de celui de l'Euphrate. Et là, vous avez la carte de la main de Torcy, de ce que Torcy appelle la Syrie en 1880, vous voyez, elle arrive évidemment jusqu'au golfe d'Aqaba et comprend aussi la Palestine. C'est en fait ce qui correspondait à la Syrie d'Ibrahim Pacha lors de la pause des guerres de Syrie dans les années 1833-1839. Donc, quand on fait cette carte, on dit déjà, ça, c'est pas pour les Anglais. À la rigueur, ils peuvent faire des réformes en Anatolie, mais la Syrie ne fait pas partie de l'Anatolie, donc nous refusons que les Anglais placent leurs hommes dans cette région. Alors ensuite, Torcy explique que depuis la plus haute antiquité, la Syrie n'a été conquise que par voie de terre et non par voie de mer. Le grand atout de la France est l'importance de ses alliés locaux. En débarquant deux corps d'armée au Liban, qu'il définit comme un pays essentiellement français, on aurait toute la marge de manœuvre nécessaire. De là, on marcherait sur Damas. Une fois qu'on aurait pris Damas, il suffirait de redescendre vers le sud pour conquérir la Palestine. Clairement, nous avons là un projet français de conquête de la Syrie. Donc, dans son projet, Torcy définit que l'allié numéro un de la France dans la région, ce sont les Maronites. Cela dit, il n'est pas tendre sur les Maronites. Mes amis Maronites ici présents ou qui écouteront cette conférence sont priés de m'excuser. Je vais vous citer le passage. Je n'étendrai pas davantage ces considérations hypothétiques dont la valeur est évidemment subordonnée au moment choisi pour l'action, ainsi qu'aux ressources et aux dispositions militaires prises par l'ennemi. Elles suffisent d'ailleurs pour faire comprendre que la conquête de la Syrie, appuyée effectivement, comme elle serait tout d'abord, par la population maronite du Liban, et parfaitement acceptée par la majorité des habitants d'autres races et d'autres religions, n'offrirait pour la France pas de difficultés insurmontables. Ce qui paraît du moins certain, c'est que d'armée française de 30 à 40 000 hommes, même isolée de la métropole, peut rapidement conquérir et garder la Syrie et recruter une force indigène égale, sinon supérieure en nombre, et vivre tant bien que mal sur les ressources du pays jusqu'au jour où la pacification générale lui rendrait le libre usage de la mer. Sous-entendu, on débarque, on vit sur le pays, et puis on attend que les Anglais cessent le blocus, avec qui on fera une discussion politique, parce qu'évidemment, si on fait ça, les Anglais couperont la mer, hein, c'est ça que ça veut dire dans le rapport. Les ennemis, c'est évidemment, ce sont les Druzes, qui sont les alliés des Anglais. Mais on pourrait les neutraliser en jouant sur d'autres alliés, en particulier les Ansariyés, c'est-à-dire ce que nous appelons aujourd'hui les Alaouites de Syrie, qui sont dans la montagne des Alaouites. Et donc, neutraliser les Druzes en s'appuyant sur les Alaouites. Et la discussion, c'est éventuellement un partage du Moyen-Orient avec les Anglais. Enfin, on ne dit pas Moyen-Orient à l'époque, il faut attendre des débuts du XXe siècle, du Proche-Orient, à partir des lignes de chemin de fer. En présence de l'activité industrielle et politique que déploient en Syrie des représentants de la race anglo-saxonne, nous sommes en pleine pensée raciale de la fin du XIXe siècle, ennemis nés de notre influence en Orient, j'ai pensé de longue date qu'il y aurait pour nous un intérêt de premier ordre à les combattre par leurs propres armes, et au lieu de nous borner à paralyser timidement leurs efforts, prendre à notre tour en Syrie une égale initiative. De là est née l'idée de laisser les Anglais acheter ou louer s'ils le peuvent les chemins de fer d'Égypte, et établir à leur guise la ligne ferrée conduisant au golfe Persique par l'Asie mineure et la Mésopotamie, ce qu'on appellera au début du XXe siècle Bagdad-Ban, pays désormais perdu pour nous, qui ne peuvent plus être qu'un champ de bataille entre la Russie et l'Angleterre, et de prendre notre compte exclusif la construction du réseau syrien. Donc vous voyez, voilà, la Syrie, c'est le lot de la France en construisant une zone d'influence à partir du chemin de fer. Mais évidemment, ce n'est pas économiquement rentable, c'est un chemin de fer politique. Il faut le répéter, d'ailleurs, l'entreprise dans l'état actuel du pays est bien moins industrielle que politique. Qu'ils soient anglais, américains ou français, les promoteurs de l'œuvre travailleront pour l'avenir bien plus que pour le présent et doivent ne pas oublier qu'ils servent des intérêts politiques, de sentiments et non jusqu'à nouvel ordre des intérêts matériels. De là, pour ceux-ci qui ne peuvent payer de leur denier cette conquête virtuelle, l'obligation de compter sur l'appui moral et matériel du gouvernement dont ils doivent grandement servir la politique. Donc, en gros, ce chemin de fer doit être subventionné par le gouvernement français, puisque c'est un instrument de la politique française. Par contre, il ne veut pas de la Palestine. Je cite... Mon opinion étant que le massif rocheux desséché et improductif de la Palestine est en outre un nid d'intrigues religieuses et politiques où nous ne pouvons jamais souhaiter de mettre effectivement les pieds et qu'il importe dans nos combinaisons d'avenir de considérer comme étant en dehors de la Syrie proprement dite. De plus, l'Angleterre n'acceptera jamais que la France s'empare de la Palestine, puisque l'Angleterre n'a des yeux que pour le canal de Suez. Et alors ensuite, il analyse les populations de l'espace syrien et il estime que l'ensemble des populations syriennes peuvent être considérées comme appartenant à la race arabe, donc les distinctions sont de nature religieuse et non sont pas de raciale. Il estime que dans la Syrie qu'il étudie, la population doit être de l'ordre de 3 millions à 3 millions et demi d'habitants. Ça comprend le Liban d'aujourd'hui, hein, on s'entend, dans son décompte. Et il oppose cette Syrie de 3 millions et demi d'habitants à la Syrie supposée de l'Antiquité qui devait en comporter 10 millions. Ça doit être un thème qui va devenir lancinant chez les syrianistes. Dans l'Antiquité, la Syrie avait des populations deux ou trois fois plus importantes que la Syrie d'aujourd'hui, donc c'est bien l'indice d'une mauvaise gestion, d'une mauvaise administration, etc. Alors, la population, pour lui, est composée à deux tiers de ce qu'il appelle la secte d'Omar, c'est-à-dire ce que nous appelons les sunnites. Leur fanatisme est en déclin et ils sont interdits de fonction politique par les Turcs. Donc, je cite, « S'il est certain toutefois que le sentiment religieux des Arabes musulmans ne constitue pas un lien très fort entre cette province à la porte, il n'en faudrait pas conclure qu'il leur soit indifférent de tomber un jour ou l'autre sous la domination plus ou moins directe d'une puissance chrétienne. Tous ceux qui raisonnent parmi eux sont surtout autonomistes et leur rêve serait de former une sorte de self-government arabe syrien qui ne relèverait du calife que par un lien de vassalité politico-religieux. C'est en flattant ces rêves que Midhat Pacha s'est recruté des adhérents parmi eux et le mufti de Damas, personnage religieux très considérable que j'ai vu longuement, ne m'a guère dissimulé sa pensée à cet égard. Quelques-uns d'entre eux, cependant, comprennent que l'Europe s'accommoderait peut-être difficilement d'une pareille solution qui serait au bénéfice exclusif des musulmans et commencent à se préoccuper de l'avenir que leur réserverait la domination ou le protectorat direct d'une puissance chrétienne. Dans cette hypothèse, leur choix n'est pas douteux et se porte unanimement vers la France. Ça, dans les archives françaises, les Arabes veulent la France et dans les archives britanniques, ils veulent les Anglais. C'est une règle générale. Donc, ça rend difficile d'avoir le vrai sentiment des populations. Les catholiques, c'est 5/6 de la population chrétienne, ce sont les clients naturels de la France. Mais enfin, pour les maronites, voilà le passage que je voulais. Les maronites, comme je le dirais ailleurs, ne sont pas des gens extrêmement sympathiques, passionnément intrigants, disputeurs et avides. Il serait le plus grand des embarras pour le gouvernement de la République le jour où la France mettra son drapeau en Syrie, mais ils ont pour leur foi religieuse et pour la France un attachement fanatique qui doit nous porter à leur pardonner bien des choses. Le Liban est d'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, l'unique base éventuelle d'opération dont nous puissions disposer en Syrie. Les ennemis, évidemment, ce sont les missions protestantes anglaises, américaines et allemandes. Donc l'opposition franco-britannique est aussi une opposition religieuse entre protestants et catholiques. Il dresse évidemment un portrait politique de l'administration ottomane et évidemment il dit du mal de Midhat Pacha puisque Midhat apparaît comme étant l'homme des Britanniques qui favorise un séparatisme syrien. Ce qu'il nous faut d'ailleurs en Syrie jusqu'à nouvel ordre, ce n'est pas un client déclaré de la France qui fasse pour nous la contrepartie de ce que Midhat Pacha a fait pour l'Angleterre, mais un gouverneur ordinaire, laborieux et honnête qui reconnaisse à nos agents la place importante et respectée que personne avant Midhat Pacha ne leur a contestée, qui tienne compte de leurs demandes et de la réclamation et surtout qu'il ne fasse pas de politique étrangère. Ce qui veut dire qu'il n'appartienne pas à un clan pro-machin, pro-italien, pro-allemand, pro-autrichien, etc. Puisque dans la fonction publique ottomane, vous n'êtes que des pro-quelque chose à cause des luttes d'influence des puissances dans la région. Donc, pour l'instant, le seul travail auquel nous ayons à nous livrer pour préparer l'avenir doit consister à encourager des sympathies universelles pour notre drapeau, à travailler par nos entreprises et par nos écoles à l'amélioration matérielle et morale du pays. Et nous avons besoin pour cela que de ne pas être contrecarrés par l'autorité locale alliée à nos adversaires. Et donc l'autre opposition, c'est les Russes. Cette conduite des puissances doit naturellement dicter la nôtre. Si l'Angleterre, l'Allemagne et la Russie croient nécessaire de masquer leur vue politique sous le couvert de l'idée religieuse protestante et orthodoxe, si l'Autriche et l'Italie trouvent avantageux de chercher à ruiner notre influence religieuse pour s'en partager les débris, nous ne saurions hésiter à rester ce que nous sommes depuis 3 siècles, les patrons des catholiques syriens, en attendant que nous soyons peut-être leurs maîtres, et nous avons d'autant plus de raisons pour le faire que nos clients sont encore aujourd'hui 4 ou 5 fois plus nombreux que les dissidents, c'est-à-dire les protestants et les orthodoxes. En conclusion, Torcy pose le dilemme de la politique française dans cette ère de l'impérialisme. Classiquement, les historiens font démarrer l'ère de l'impérialisme à justement 1880. C'est le début de l'ère des empires jusqu'à 1914. Et donc, il conclut en disant ce qu'il y a des grands thèmes du parti colonial français, c'est que la France doit participer au partage de l'Empire ottoman, sinon elle est destinée à n'être plus rien. La Turquie d'Europe, livrée aux Slaves et aux Grecs, l'Asie mineure et la Mésopotamie devenus le champ de bataille futur des Anglais et des Russes, l'Égypte envahie par l'Angleterre, sont des pays perdus pour nous. La Syrie, le seul point de cet Orient méditerranéen où, malgré les incertitudes et les flottements de notre politique depuis 70 ans, nous avons encore une influence dominante, une liberté d'action exceptionnelle et la possibilité de planter notre drapeau sans que le sol se dérobe sous nos pieds. Sinon, c'est la politique d'abandon. Comme il dit, si on ne fait pas ça, la place de la France sera réduite à être qu'une simple grande Belgique. Ce qui apparemment n'est pas très positif pour lui. C'est avant que la Belgique s'empare du Congo, hein, évidemment. Donc, voilà ce rapport de Torcy qui va être régulièrement relu, puisqu'encore en 1913, dans les archives du Quai d'Orsay, quand on a une demande de documentation sur la Syrie, on sort le rapport Torcy. Donc, encore en 1913, le rapport de Torcy est la base de référence de la politique française. Le Collège de France et France Culture vous présente l'historien Henri Laurence, les provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du XIXe siècle. Pendant que Torcy fait sa mission, le 1er juin 1880, une nouvelle série d'affiches, donc de placards, apparaissent à Beyrouth et à Damas. Ils sont évidemment aussitôt enlevés par les autorités. Ces placards, selon les archives françaises, réclamaient vivement l'autonomie de la Syrie en invoquant l'histoire des temps passés, les privilèges que la porte avait accordés à d'autres provinces. Et le consulat de France estime que c'est l'indice d'un mécontentement de la population et d'une volonté étrangère de provoquer des troubles. Toujours dans ces jours de 1880, une correspondance diplomatique française de Constantinople indique bien ce que l'on soupçonne qui est en train de se passer, je cite « La colonie arabe de Constantinople ne doute pas que cette série de soulèvements qui a lieu en Mésopotamie et au Hedjaz ne soit autant de manifestations d'un mouvement général déterminé par un mot d'ordre, et elle espère qu'une question arabe viendra s'ajouter avant peu à toutes celles qui sollicitent déjà l'attention et l'intervention des puissances. Il serait sans doute prématuré d'attribuer dès à présent une pareille portée aux événements qui agitent les provinces orientales de l'Empire, mais les faits qui s'y produisent n'en ont pas moins un caractère insolite de simultanéité. Et la France, en tant que puissance arabe, doit suivre avec attention le développement d'une situation qui ne trouve pas l'Angleterre indifférente. Donc c'est la seconde fois au XIXe siècle que l'on parle d'un projet national arabe. La première fois, je vous rappelle, c'était dans les années 1830 sous Ibrahim Pacha. Et là, c'était vraiment un discours à destination de la diplomatie européenne qui n'avait aucune base réel dans la société syrienne, tandis que cette fois-ci, on a des affiches en arabe et des actions qui parlent d'un projet arabe. Donc, la question est de savoir donc si ces placards de Beyrouth et de Damas sont oui ou non les textes fondateurs originels d'un nationalisme arabe en train d'émerger. On reviendra sur la discussion historiographique sur ce sujet. Le 28 juin, c'est la nouvelle série de placards à Beyrouth. Là, on les a. C'est-à-dire, dans les archives françaises, la précédente, elles sont signalées, mais on ne les a pas retrouvées. Tandis que là, les Français en ont conservé une traduction. Donc, nous connaissons les placards par la traduction française, mais pas par le texte original arabe. Enfant de la Syrie. 1. Les réformes des Turcs sont une impossibilité. S'il en était autrement, qui est ce qui les a empêchés depuis 20 ans de faire ces réformes si souvent promises sur leur honneur à leurs sujets et aux Européens? Que pouvez-vous espérer d'eux? 2. Les Turcs, foncièrement arbitraires, corrompus par les intrigues et par excès d'ignorance, ne cessent de dominer au nombre de 2 millions, 35 millions de serviteurs de Dieu. Et jusqu'à présent, il ne s'est pas rencontré parmi nos sages, nos concitoyens, des hommes assez dévoués et capables de sauvegarder nos intérêts, notre honneur et relever notre patrie. Et cependant, nous sommes 2 millions enfants de la même patrie. 3. Si leur haute intelligence les empêche d'agir dans ce sens, nous, nous avons voué nos biens et fait vœu de sacrifier nos âmes pour sauver notre patrie aimée. Et il nous y reste, nous jurons par Dieu, qu'à troubler la quiétude dans laquelle vous vous complaissiez, dussions-nous boire le calice de la mort, qui vivra, verra. Alors, historiographiquement, en 1939, le théoricien du nationalisme arabe et le grand historien arabe fondateur, dans un livre, George Antonius, dans The Arab Awakening, a fait des placards de Beyrouth le texte originel du nationalisme arabe. Le problème sur ce texte, c'est que le mot arabe n'apparaît nulle part. Ce qui apparaît, c'est Syrie, mais pas arabe. Alors, on s'est longuement interrogé sur la provenance des placards en soupçonnant qu'ils viendraient soit du cercle des Boustani, puisque vous savez que les Boustani, depuis les années 1860, écrivent des articles qui évoquent l'existence d'un peuple arabe syrien. Donc, on serait là dans la continuité des textes de Boustani depuis 1861. On soupçonne évidemment, si c'est les Boustani, que le milieu d'origine, c'est le Syrian Protestant College de Beyrouth, c'est-à-dire l'actuelle université américaine de Beyrouth. Soit on soupçonne les sociétés de bienfaisance islamique qui sont justement en train de créer au Liban, c'est les fameuses Makassides, qui viennent juste d'être créées. Donc deux origines possibles, soit les Makassides, soit le Syrian Protestant College. L'historien arabe Zain en Zain, dans un livre publié en 1958, évoque les confidences de Faris Namer Pacha, qui a vécu de 1854 à 1951, donc presque centenaire, qui était le dernier survivant de ce mouvement. Et selon les confidences que Faris Namer aurait fait à Zain, il se serait agi d'un petit groupe d'intellectuels majoritairement chrétiens ayant pour la plupart étudié au Syrian Protestant College et dont le but premier aurait été d'émanciper le Liban chrétien du joug ottoman. Ce groupe aurait utilisé la loge maçonnique de Beyrouth pour s'adjoindre des musulmans, mais très rapidement, cette alliance entre chrétiens et musulmans se serait désagrégée. Le problème, c'est que la confidence rapportée de Faris Namer a été faite 40 ans ou 50 ans après les faits et qu'elle peut aussi reproduire les événements du début du XXe siècle et pas ceux des années 1880. Donc, la source reste tout à fait douteuse. La question en plus, c'est de savoir quel est le rôle de Medhat Pacha dans cette affaire des placards. Soit il est complètement innocent, et les placards sont l'écho du mécontentement réel des provinces syriennes au lendemain de la guerre de 1878, soit il aurait encouragé discrètement ses publications afin de maintenir une atmosphère de crise qui aurait justifié son maintien comme gouverneur de Syrie. Ce sont des points d'interrogation. En tout cas, l'événement essentiel, comme souvent au Proche-Orient, il se passe ailleurs, ce sont les élections anglaises qui amène la fin du gouvernement conservateur et l'arrivée de Gladstone comme premier ministre libéral au printemps 1880. Or, certes, Layard était au départ un libéral, il avait été député libéral, mais comme il avait servi les conservateurs et qu'il avait une inimitié particulière avec Gladstone, un des premiers gestes de Gladstone, c'est de rappeler Layard. Et donc, à partir de ce moment-là, toute la politique britannique qui avait été menée de 1876 à 1880 est bouleversée, puisque une nouvelle équipe au pouvoir en juin 1880 à Londres. C'est un peu comme aujourd'hui, il y a un changement de politique au Proche-Orient parce qu'il y a un changement de politique aux États-Unis. Hein, c'est cette interaction qui est déjà le cas à l'époque. Vous rappelez que je vous avais évoqué le projet de Sir Lawrence Oliphant, cet autre aventurier britannique, qui avait projeté de créer une colonie juive juive d'Europe de l'Est en Transjordanie, c'est-à-dire dans la Jordanie actuelle. Et ceci, évidemment, avait beaucoup inquiété les Français qui ne voulaient absolument pas voir une colonie anglo-juive en Transjordanie. Et donc, quand Torcy revient à Constantinople et qu'il a fait son rapport à Paris, le sultan le convoque. Et il y a donc cette scène assez extraordinaire du 20 juillet 1880 qui exprime énormément de choses sur les rapports politiques entre le sultan ottoman et les puissances. Alors évidemment, sur cette scène, je n'ai que le rapport que Torcy a fait à ses supérieurs. Donc je cite le passage, enfin il est long, mais c'est passionnant comme texte. Le sultan reprit « Et dans quel état avez-vous trouvé et laissé le pays ?» c'est-à-dire la Syrie. Je répondis que j'avais trouvé fort calme, que mon voyage s'était fait sans difficulté sérieuse, mais que j'avais vu avec regret qu'une si belle contrée ne fût plus prospère. « Oui, oui, je sais, dit vivement le sultan, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. » N'avez-vous pas trouvé le pays agité par toutes sortes d'intrigues dont le meneur principal n'est autre que Médad Pacha ? Donc, vous voyez, le sultan interroge l'attaché militaire sur les menées de son gouverneur. N'avez-vous pas senti que mon pouvoir est miné par celui qui est chargé de le défendre et qui organise l'agitation en vue de servir un but politique personnel auquel certains étrangers paraissent l'encourager ? Ne pensez-vous pas enfin que ma domination y soit en danger ? Réponds à ces questions en toute franchise et sans hésiter, comme un ami que vous êtes pour moi. Il me revient de Syrie d'étranges choses et je suis à l'heure de prendre de graves résolutions. Votre témoignage est d'autant plus important pour moi que je sais les intérêts qu'a la France en Syrie et son désir de ne pas la voir en d'autres mains que les miennes. Votre réponse dictera ma décision. Ainsi mis en demeure de parler en toute liberté, je n'avais plus qu'à obéir sans hésitation aux directions de votre Excellence et à peindre, mais votre Excellence, c'est puisque ça s'adresse théoriquement au ministre français des Affaires étrangères, et à peindre Médad Pacha comme je l'ai jugé, c'est-à-dire comme un homme violent, peu scrupuleux, ambitieux au suprême degré, administrateur médiocre et parfaitement capable d'encourager les éléments révolutionnaires dont la Syrie ne manque pas et de poursuivre pour son compte la formation d'une sorte de Khedivat de Syrie semi-indépendant. Les détails et les preuves morales à l'appui de cette opinion ne manquent pas. J'en indiquais plusieurs. Pressé par le sultan qui paraissait pris d'une sorte de fièvre et qui me laissait à peine le temps de finir mes phrases. « Oui, dit enfin Sa Majesté, c'est bien là l'homme dont mon oncle s'est toujours méfié, comme capable de vouloir copier jusqu'au bout Mehmet Ali d'Égypte. Mais il n'agit pas seul en ceci, et les Anglais sont derrière lui, quitte à le sacrifier après s'en être servi comme d'un instrument. N'avez-vous fait à ce sujet aucune observation ? La question était délicate, et j'hésitais à dire sur ce sujet toute ma pensée, qui n'est que trop conforme à celle du sultan. Celui-ci revint alors à la charge en disant « qui a donc plus que la France intérêt de surveiller les Anglais en Syrie, et que risquez-vous à me dire la vérité seule à seule, alors que vous savez qu'aucune de vos paroles ne sortira d'ici ? Je ne crus pas alors devoir hésiter davantage, et j'ai dit au sultan ce que je pense des projets de chemin de fer anglais et anglo-américains, des menées des agents anglais officiels et occultes chez les Druzes, chez les chrétiens et chez les Arabes nomades, enfin des projets de concession tels que celui de M. Oliphant. Le nom frappa le sultan qui m'interrompit en disant « Ah, parlons de cela. De ce côté aussi, j'ai besoin d'être éclairé en vue d'une décision à prendre. Quel est le but de cette colonisation anglo-israélite qu'on me dit si utile à l'avenir de l'Empire et dont je me méfie comme d'un piège ?» Je répondis par les observations que votre Excellence connaît en disant que l'Hadjendoun et la Balka sont au sud de la continuation du Oran, où les Anglais ne sont pas déjà que trop influents, que les y laisser à s'y établir, ce serait leur livrer la route des caravanes de la Mecque, c'est-à-dire livrer aux Anglais le pèlerinage d'Asie, que ce serait aussi leur abandonner la route militaire de la mer Rouge à Damas, route déjà connue, puisque c'est par là qu'en 1841, Ibrahim Pacha d'Égypte a ramené à Suez les débris de son armée, que dès lors ce serait ouvrir le chemin de Damas à une armée venant des Indes et débarquant à Aqaba, afin d'éviter les difficultés qu'elle pourrait trouver soit dans la Méditerranée, soit dans la traversée de la chaîne du Liban. Que ce serait créer une station intermédiaire entre les Wahhabites, que les Anglais connaissent, et les Druzes, dont ils se sont fait les patrons déclarés. Qu'enfin, ce serait planter officiellement le drapeau britannique sur le sol de la Syrie, d'où il serait ensuite à peu près impossible de les déloger. Ensuite, il parle du chemin de fer. Je rappelais donc à Sa Majesté que la seule voie par laquelle elle puisse aujourd'hui envoyer rapidement des troupes en Arabie est celle du canal de Suez, qui ne lui appartient que nominalement et qui peut être coupée en cas de guerre par une flotte ennemie, que dès lors le Yémen et le Hedjaz seraient à la merci de cet ennemi si le sultan n'établissait sur son territoire une communication rapide et directe entre la Syrie et le littoral de la mer Rouge. Un chemin de fer suivant la vallée du Jourdain, la rive orientale de la mer Morte et le Rour, cette vaste dépression qui court entre le Sinaï et les montagnes de la Mouabibtide jusqu'à la branche orientale de la mer Rouge dont Aqaba occupe l'extrémité, pourrait seul satisfaire à cette obligation. Il aurait d'ailleurs, indépendamment de son importance militaire, quelque intérêt commercial et politique, car il servirait à drainer tout le courant de pèlerinage qui descend de l'Anatolie, de la Mésopotamie, du nord de la Perse et de la Syrie. Ce que Torsi est en train d'expliquer au sultan, c'est ce qui deviendra 20 ans après, au début du XXe siècle, le chemin de fer du Hedjaz. La discussion revient ensuite sur le sort de Midat Pacha. Abdulhamid demande le soutien de la France dans la question de son éviction. Torsi l'assure immédiatement qu'il fera part à ses supérieurs de cette requête. Le sultan l'interroge ensuite sur la possibilité d'un soulèvement syrien et l'attaché militaire français le tranquillise. Je répondis que rien de pareil ne me paraissait à craindre en l'état actuel à cause de l'hostilité manifeste des chefs de l'armée pour Midat Pacha. Celui-ci le sait et tout en préparant les esprits à un changement de régime, en tolérant ou en encourageant les manifestations séparatistes, en patronnant même certaines sociétés secrètes, ne prétend rien tenter avant que le moment soit venu. » Et le sultan lui dit « À quel moment ?» Et Torsi lui répond « Ce moment, répondis-je, sera celui où la Turquie, aux prises avec quelques ennemis extérieurs, devra, comme en 1877, dégarnir la Syrie de troupes. Ce jour-là, la Syrie, organisée d'avance pour la rébellion, sera aux mains de Midat Pacha, qui essaiera d'en disposer à son profit. » Donc là, on est dans le jeu codé des diplomates. Abdulhamid propose aux Français de déposer Midat, mais il ne peut le faire que s'il a le soutien de la France, parce que sinon, Midat, protégé par l'Angleterre, reste inamovible. Donc on est dans ces jeux d'influence. Les puissances européennes jouent leurs influences réciproques à l'intérieur du système ottoman, mais le sultan ottoman joue son propre jeu d'influence à travers les puissances européennes. Pour se débarrasser de son ennemi politique, il a le besoin de la France pour contrecarrer un hypothétique soutien anglais à Médat. Donc, la France ayant donné le feu vert, en quelque sorte, puisque c'est à l'époque, ça n'existait pas encore, pour déposer Médat, le 3 août 1880, Médat sera rappelé et nommé gouverneur de Smyrne, poste beaucoup moins important. L'année suivante, le sultan le fait poursuivre pour l'assassinat de son oncle Abdelaziz. Médat se réfugiera dans le consulat de France à Smyrne, qui lui refusera le droit d'asile et le livrera aux autorités ottomanes le 17 mai 1881. Les autres puissances européennes refusant de lui accorder une protection au nom du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures, Médat sera condamné à mort au mois de juin 1881. Les Britanniques obtiendront la suspension de la sentence et il sera emprisonné au Hedjaz, où il meurt le 26 avril 1883, assassiné sur ordre du sultan, selon toute probabilité. Donc l'histoire de Médat Pacha est essentielle, puisque Médat Pacha est considéré jusqu'à aujourd'hui dans l'historiographie turque et ottomane comme le grand fondateur du libéralisme dans le monde ottoman. C'est un personnage essentiel de l'histoire ottomane récente, Médat Pacha. Mais on voit en même temps dans quel univers ce réformateur s'est trouvé, puisqu'il s'est trouvé dans les luttes d'influence entre la France et la Grande-Bretagne. Alors, autre conséquence de la visite de Torcy au sultan, les instructions que le sultan va donner au gouverneur de Palestine, en fait, au gouverneur de Saint-Jacques de Jérusalem, c'est de s'opposer par tous les moyens possibles à une immigration juive en Palestine. Et nous sommes justement chronologiquement au début de la première vague d'immigration juive de Russie, la première alia. Première démonstration du mouvement sioniste. Donc, c'est ça qui est fascinant dans cette année 1880, c'est que vous voyez des choses, les choses que nous appelons aujourd'hui islamisme, sionisme et arabisme, toutes apparaissent de façon concrète dans cette année 1881. C'est pour ça que j'avais écrit quelque part que cet épisode était la répétition générale du XXe siècle au Proche-Orient. Il est en effet incontestable que dans cette longue crise d'Orient qui a débuté en 1876, les événements politiques sont accompagnés d'une effervescence intellectuelle considérable portant sur l'avenir de l'Empire ottoman et du monde musulman. Ces discours deviennent à leur tour des prétextes, voire des causes des événements politiques. En dehors du foyer syrien, où l'on évoque un soulèvement arabe, deux autres foyers sont particulièrement actifs, celui du Caire, où beaucoup d'intellectuels réformateurs, musulmans et chrétiens, participent à la vie politique, et celui de Constantinople, où les débats de la presse et des couloirs sont immédiatement reportés par les ambassades. Enfin, ce qui joue aussi un rôle majeur dans le débat, c'est la presse ottomane en exil. En France et en Angleterre, des exilés syriens publient des journaux contestataires en arabe ou en turc ottoman, et ces journaux arrivent clandestinement, enfin semi-clandestinement, puisque comme les Européens disposent de ce qu'on appelle des postes privés. Chaque puissance européenne a une poste privée, donc qui n'est pas contrôlée par l'autorité ottomane. La presse contestataire passe par la poste privée française, britannique, autrichienne, italienne, etc. C'est un peu comme si aujourd'hui les documents contestataires passeraient par la valise diplomatique. Donc aussi cette presse de l'exil a une influence directe sur les événements sur le terrain. Alors, toute la question est de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Il existe bien une opinion publique musulmane aux alentours de 1880. Et le cadre géographique de cette opinion publique musulmane est beaucoup plus vaste que l'Empire ottoman, puisqu'il va au moins jusqu'en Inde, en traversant, en comprenant aussi la Perse chiite. Et en même temps, beaucoup des discours au contenu théorique élevé que cette presse, que ces journaux, que ces revues, que ces livres comprennent, obéissent aussi à des contingences politiciennes et à des financements occultes. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que dans cette fin des années 1870, il n'y a pas un haut personnage de l'Empire ottoman qui n'a pas des intellectuels à son service. Et en général, ce que doit faire un homme politique musulman de cette période, c'est d'écrire un texte dans le genre « Pourquoi le monde musulman est en retard et quels sont les moyens d'y remédier ?» C'est à peu près le thème général de cette littérature. Alors, il signe. Il signe « Vizir un tel, le prince un tel, etc. » Mais évidemment, ce sont les intellectuels de l'équipe qui rédigent le texte plus que le haut personnage qui signe, mais qui est aussi payé. Alors, parmi ces personnages qui payent, nous en avons identifié un certain nombre dans l'histoire, grâce aux correspondances diplomatiques. On rappelle en Égypte le prince Halim, H-1-L-I-M, c'est-à-dire celui qui aurait dû être l'héritier légitime du Khedivia et qui a été privé de la succession puisque Ismaïl a imposé la primogéniture et donc destiné à la succession khédiviale au profit de son fils Tufik, et non pas de Halim, qui aurait dû être l'héritier légitime du Khédivia. Et donc le prince Halim est en exil à Constantinople, mais il mène une puissante activité politique à destination de l'Égypte et de l'Empire ottoman. D'ailleurs, lui et puis ensuite son fils joueront un rôle très important dans l'histoire ottomane jusqu'à la Première Guerre mondiale, puisque le fils du prince Halim accédera à la fonction de grand vizir ottoman à la veille de la guerre de 14 en liaison avec les jeunes turcs. Donc vous avez toute cette continuation historique. Et le prince Halim avait en particulier créé le Grand Orient d'Égypte, loge maçonnique à son service dans l'Égypte des années 1870, auquel avaient appartenu des gens comme Mohamed Abdou ou Jamal Eddin El-Afrani. Donc ce groupe correspond à la fois à ceux qui ont un héritage, enfin une formation islamique, un enseignement islamique en voie de modernisation dans les premières écoles d'État, et en même temps de gens qui ont fréquenté à titre divers les écoles occidentales, essentiellement par le réseau missionnaire catholique et protestant. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Henri Laurence le 16 novembre 2016, Les provinces arabes de l'Empire ottoman, jeu d'influence en 1880. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Henri Laurence. L'historien publie à la mi-février Les crises d'Orient chez Fayard. Rappelons aussi L'Orient arabe, arabisme et islamisme de 1798 à 1945 chez Armand Collin en 2015 et son recueil d'articles Histoires orientales, Simbad 2013. Je rappelle également son grand entretien au micro de Christine Goémé l'an dernier dans le cadre de l'Éloge du savoir. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous retrouverons l'historien Henri Laurence sur ce tournant des années 1880 dans le cadre de son cours Les provinces arabes de l'Empire ottoman. Et dans quelques instants, Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.